En quittant le bled, j'avais demandé pas que je ferais du sale. De toute façon, je suis bon qu'à ça. Elle était blédi, tous les soirs, je suis tout seul. J'ai besoin de personne, je vais tous leur foutre le seum. Je suis devant scène, scène, scène. Quand je suis sur la scène, scène, scène. Comme ma voix est zone, zone, zone. Rabat sous jaune, jaune, jaune. Sortez les compètes. Fais le bal.